Ces milliers de petites lumières que vous voyez derrière moi symbolisent toutes les chansons que j'ai aimées dans ma vie. Elles ont rendu mes amours plus tendres. Merci. Je disais que ces chansons avaient rendu mes amours plus tendres, mes chagrins plus légers et mes années plus belles. Comme pour vous, ces chansons font partie de ma vie, elles sont même devenues des souvenirs personnels. Seulement, parmi toutes ces étoiles qui brillent, ce soir, il y en a une qui ne brille que pour moi, qui ne s'adresse qu'à moi. C'est avec elle que tout a commencé et c'est avec elle que tout